de lumière. Je cligne des yeux sous un éclair. Je m'éloigne de la terre pour arriver devant ton regard clair. Mes pas ne sont plus comptés, mes heures sont des années. Des vagues viennent me bercer, et face à toi, je suis tombé. Face à des images sincères, comment avancer sans se taire? Comme le magicien qui désespère de ne pouvoir te plaire. Je ne sais plus quoi inventer, je ne sais plus quoi crier. Je voudrais un rêve qui me plaît, un rêve de paix, d'éternité. Le souffle de la lumière vient d'exister, même si la terre ne s'est pas arrêtée. On pourrait changer. Dans ton regard, il y a un mystère que je n'ai pas saisi. Un idéal qui est fait pour me plaire, qui me réussit. Des histoires plein la tête, j'aimerais pouvoir toutes les ordonner. Même si au matin au réveil, ce ne serait même plus du passé. Je voudrais tant qu'elle m'entraîne, je ne voudrais plus reculer. Même si cette histoire éternelle n'est que l'image de mes pensées. Le souffle de la lumière vient d'exister, même si la terre ne s'est pas arrêtée. On pourrait changer, tout changer. Dans ton regard, il y a un mystère que je n'ai pas saisi. Un idéal qui est fait pour me plaire et qui me réussit. Réussit, réussit, réussit. Tous ceux qui me jugent de là-haut sont-ils là pour me réveiller? Car ma pensée, c'était mon secret. Je n'ai pas envie de partager. Et la morale ne jugera que ce fait, que si par elle je veux me guider. Lumière d'un rêve qui s'abat dans ma tête, et que je ne voudrais pas oublier.